Bonjour les amis. Vous aimez bien regarder les aventures de Dragon Ball Z à la télévision. Alors, je suis sûr que vous prendrez beaucoup de plaisir à les écouter. L'histoire que vous allez entendre maintenant s'intitule Padak, le père de Sangoku. Bon, vous êtes bien installés? Accrochez-vous, nous allons décoller. Dragon Ball Z, le gentil Sangohan. Dragon Ball Z, combat tous les méchants. Dragon Ball Z, il a tous les pouvoirs. Dragon Ball Z, la force et le savoir. Le grand, le vaillant Sangoku. Le monde saura bientôt que son esprit reste avec nous. Dragon Ball Z, notre héros au grand cœur. Dragon Ball Z sera toujours vainqueur. Sur Vegeta, la planète écarlate. Le médecin en chef vient d'apprendre la naissance de Sangoku. Je vous relâche sur la planète Vegeta. Un nouveau-né de sexe masculin est venu au monde. Alors le voilà. Ainsi donc, c'est lui le fils de Padak. Oui, c'est bien le fils d'un guerrier de second ordre. Son potentiel est d'une faiblesse consternante. J'ai bien peur qu'il n'y ait rien d'autre à faire que d'envoyer ce pauvre enfant sur une planète lointaine. Oui, c'est ce que je pense aussi. Gigantesques guerriers gorilles ont envahi la planète Kanaza afin de la détruire. Les habitants opposent une résistance héroïque mais vaine. Avant de mourir, l'un des habitants parvient à blesser un gorille au visage. Reste nulle trace de vie sur la planète. Au fond d'un cratère, 5 mercenaires prennent leur repas. Il s'agit des gorilles monstrueux qui ont repris leur forme humaine de guerriers de l'espace. L'un d'entre eux est blessé au visage. Regarde ça. Si tu avais fait plus attention, ça ne serait pas arrivé. Dis donc, Padak, tu ne trouves pas que nous sommes allés trop loin pour célébrer la naissance de ton fils? Célébrer la naissance de mon fils? C'est la dernière chose qui me viendrait à l'esprit. Nous avons fini de coloniser cette planète. Pourquoi est-ce que tu ne retournerais pas sur Vegeta pour aller voir ton fils? Mon fils, comme tu dis, ne sera qu'un guerrier de second ordre, sans le moindre avenir. Pourquoi je perdrais mon temps à lui rendre visite? Je ne veux plus entendre parler de lui. Ah bon, très bien. En tout cas, je trouve qu'on peut être reconnaissant envers le Seigneur Freezer. Grâce à lui, nous avons tout le temps du travail en tant que mercenaires. Je me demande pourquoi le très puissant Freezer s'intéresse autant à une planète aussi insignifiante. Eh bien, on raconte qu'ici, sur la planète Kanaza, il y a une énergie particulière qui vous permet d'acquérir des pouvoirs surnaturels. Que ce soit vrai ou non, une chose est certaine. Il paraît qu'il y a très longtemps que le Seigneur veut posséder cette planète. Surgissant des décombres, un habitant de Kanaza se précipite vers Badak. Avec son dard, il le pique dans le cou. Attends que je t'apprenne. Il est rapidement repoussé par les autres guerriers. Malgré les flammes qui lui dévorent le corps, l'assaillant se dresse à nouveau devant Badak. Que ça te serve de leçon ! Tu n'es qu'un traître ! Détrompe-toi, ce n'était pas une attaque. En te frappant, je t'ai transmis le don de préconnaissance. La préconnaissance ? Ça veut dire qu'à présent, tu as le pouvoir de connaître à l'avance quel sera l'avenir de ton peuple. Tu me racontes n'importe quoi. Mais je t'avertis, ce sera l'avenir le plus funeste que l'on puisse imaginer. Ton peuple est condamné à s'éteindre. Tu ne pourras rien contre cela. Et tu seras hanté jusqu'à la fin de tes jours par la vision de cette tragédie. Tais-toi ! Qui croirait des sornettes pareilles, je vous le demande. Nous appartenons au peuple des guerriers de l'espace et personne ne nous vaincra. Peut-être mon avis, pas vrai? Réponds-nous! Badak! Mais qu'est-ce qui va pas? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Réponds. Badak s'évanouit. Retour sur la planète Vegeta. Le jeune prince Vegeta est en plein entraînement de combat. La richesse qui m'étouffe les attaques, c'est extraordinaire. D'un simple geste, le petit monarque est capable d'éliminer 5 ennemis à la fois. C'est incroyable. Il a réussi à éliminer tous ses adversaires en l'espace d'une minute. Oui, c'est vraiment un sacré phénomène. Et il ne s'agit que d'un échauffement pour le jeune Vegeta. Alors, ça promet. C'est terminé. Ah, j'y vais. Vous m'impressionnez. Garde donc tes flatteries stupides pour un autre. Vegeta s'avère très ambitieux. Je ne progresserai jamais si je reste sur cette planète. Je vais aller trouver Sa Majesté Freezer pour lui demander s'il pourrait pas me donner l'une des planètes qu'il envisage d'occuper. Oh, vous y tenez, messire. Tu n'es pas d'accord? Bien sûr que si, voyons. Dans son aéronef, Freezer est entouré de ses deux conseillers. J'ai une excellente nouvelle pour vous, Majesté. Le projet d'occupation de la planète Kanaza a été mené à terme. Très bien. Avec presque un mois d'avance sur nos prévisions, Majesté. À propos, à qui on avait confié la mission d'aller occuper cette planète? À des guerriers de l'espace, des soldats de second ordre. Des guerriers de l'espace? Des mercenaires qui ont fait un bon travail au cours de ces dernières années. En effet, c'est le moins que l'on puisse dire. En particulier, Vegeta, qui a réussi à attirer sur lui l'attention de Sa Majesté Freezer. Son adresse et sa force sont extraordinaires. Une chose m'inquiète. Les guerriers de l'espace ne sont rien en tant qu'individus, ça nous le savons. Mais aussitôt qu'ils se réunissent en bande, ils ont ensemble un très grand pouvoir. Alors, qu'est-ce que tu peux craindre, au juste? Bien, je ne sais pas exactement, mais je pense que nous devrions être vigilants. Si nous n'y prenons pas garde, il se pourrait que ces gens nous causent un jour des problèmes. Je sais que ce serait regrettable de renoncer à quelqu'un comme Vegeta. Mais qu'arriverait-il si ces mercenaires s'unissaient? À mon avis, il ferait beaucoup de bruit et c'est tout. En effet, Majesté. Vegeta vient de pénétrer dans la pièce. Arrête-toi! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu sais très bien que tu n'as pas le droit de pénétrer dans cette salle. Je voudrais seulement prendre congé de Sa Majesté Freezer avant de partir pour une nouvelle mission. Ça n'est pas la peine. Nous lui ferons part de ton départ. Tu n'as qu'à t'en aller. Non, attends, laisse-le rentrer. Vous voulez qu'il entre? Vegeta, je suis sûr que tu feras du très bon travail là-bas. Merci, Votre Majesté. Non, tu n'as pas à me remercier. Badak, plongé dans un liquide régénérant, se fait soigner par le médecin en chef. Badak est un résistant sort du commun. À peine quelques jours, il est déjà rétabli. C'est vrai. Bien qu'il ne soit qu'un vulgaire petit soldat, il revient tout le temps à moitié mort chaque fois qu'il quitte sa planète pour partir en mission. Et sa force de combat est devenue au moins 10 fois plus grande qu'elle n'était avant. Il est vraiment surprenant. Alors comment va-t-il? Il n'y a aucun problème sur le plan physique. Il semble être en parfaite condition. Mais le diagnostic établi par l'ordinateur signale qu'il y aurait peut-être une lésion au cerveau. Bon, je vois. Alors il va falloir qu'on le laisse ici. On va être obligé de se passer de lui cette fois. Oui. À propos, quelle est votre destination? Nous partons pour la planète Myth. Les quatre mercenaires s'envolent vers la planète Myth, laissant Badak sur Vegeta. Dans la crèche de l'hôpital, le bébé Sangoku se réveille en pleurant. Est-ce qu'il a repris connaissance? À quelques mètres de son fils, Badak semble être très agité dans son sommeil. Il a des visions du futur et entend à nouveau les dernières paroles de l'habitant de Kanaza. Écoute-moi bien. En te frappant, je t'ai transmis le don de préconnaissance. Tu pourras connaître à l'avance quel sera l'avenir de ton peuple. Mais je t'avertis, ce sera l'avenir le plus funeste que l'on puisse imaginer. Ton peuple est condamné à s'éteindre. Tu ne pourras rien y faire. Tu seras hanté jusqu'à la fin de tes jours par la vision de cette inévitable tragédie. Alerté par son assistant, le médecin-chef se rend au chevet de Badak et vide la capsule de son liquide régénérant. Alors, dis-moi, est-ce que ça va mieux maintenant? Oui. C'est bizarre, je me sens encore un petit peu étourdi. J'ai fait un très mauvais rêve avant de me réveiller. Tu as rêvé? Oui. Je ne crois pas que ça veuille dire grand-chose. Tu es sûr que tu vas bien? J'en suis certain. Tu sais bien que je me remets toujours très rapidement. Bien, où sont mes compagnons? Ils sont partis. Sa Majesté Freezer les a envoyés en mission sur la planète Myth. Comment? Tu veux dire qu'ils ont pris la route sans attendre que je sois remis? La planète Myth, c'est ça? Bien, parfait. Elle n'est pas très loin. Ne reste ici. En passant devant la crèche, Badak s'arrête un instant pour regarder son petit garçon. Tu seras hanté jusqu'à la fin de tes jours par la vision de cette tragédie. Sur ses écrans de contrôle s'affiche la force de combat de Sangoku. Sa force de combat est seulement de 10 unités. C'est ridicule! Sur la planète Mythe, les quatre compagnons de Badak sont tombés dans un guet-apens. Il n'y a plus qu'un seul survivant. C'est pas vrai. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous en prenez à nous? Face à lui se tient une bande de mercenaires. Je vois que tu es vraiment dur, toi. Quelle résistance! Apparaît alors l'un des conseillers de Freezer. Bon, très bien, écoute-moi un peu. Nous allons bien nous amuser tous les deux. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison est-ce que vous me traitez de cette façon? Tu tiendras à le savoir. Et très bien, puisque tel est ton vœu, je vais répondre. Bon, tu veux tout savoir. Eh bien, nous obéissons aux ordres de l'Empereur. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Sa Majesté Freezer pense que les guerriers de l'espace sont devenus djinns. Tu es sûr que vous n'avez jamais rien fait qui ait pu contrarier Sa Majesté? Jamais je n'aurais pu faire ça. Nous autres guerriers de l'espace, nous avons toujours consacré nos vies à le servir. Nous n'avons jamais été contre lui, vous le savez, jamais. Ça ne vous aura servi à rien aujourd'hui, je vous considère comme nos ennemis. Nous avons toujours été serviables et respectueux à son égard, et à présent, c'est comme ça qu'il nous remercie. Et maintenant, va au diable. D'un terrible coup de poing, le dernier guerrier de l'espace disparaît. Badak est arrivé sur Mythe. Il découvre de quelle horrible façon tout a été dévasté. Il pense que ses camarades sont responsables. Ils ne savent plus quoi faire pour dépenser leur énergie. Parfait, j'ai compris. Non seulement ils ont perdu la tête, mais ils sont devenus dangereux. En poursuivant ses recherches, Badak finit par trouver les corps de ses quatre équipiers. Qui a fait ça? Bardock, hein? Par miracle, le dernier des guerriers respire encore. Tu es vivant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça? Jamais dû venir ici. Il aurait mieux valu que tu restes là-bas pour reprendre des forces. Ne me dis pas que ce sont les habitants de cette planète qui vous ont mis dans cet état. Mais non, nous les avons supprimés en un clin d'œil à notre arrivée ici. Mais alors qui? Qui? C'est Freezer qui a ordonné à ses hommes de nous éliminer. Freezer, je ne peux pas le croire. Il nous a trahis. Ce monstre s'est servi de nous pendant des années. Et puis... Tu ne peux plus rien pour moi, mais il faut absolument l'arrêter. Il faut faire quelque chose, sinon bientôt il ne restera plus un seul guerrier de l'espace. Écoute-moi bien, la première chose à faire, c'est que tu retournes sur la planète Vegeta. Mets-les au courant et exhorte-les à détruire Freezer. Et unissez-vous pour montrer à Freezer à quel point notre peuple peut être à la fois solidaire et puissant. Le soldat a rendu son dernier soupir. Badak pose son regard sur les corps inertes de ses compagnons. Ses poings se serrent. Badak se retourne et voit quatre mercenaires qui le regardent d'un air narquois. Prépare-toi parce que maintenant ça va être à ton tour. Badak noue autour de son cou le bandeau taché du sang de ses amis. Son visage est dur et impitoyable. Poussant un cri terrifiant, Badak se rue vers ses adversaires. Un mercenaire au visage de crapaud se fait étendre d'un furieux coup de poing. Les trois autres décochent un projectile sur Badak. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il se cache? Surgissant de l'épaisse fumée noire, le guerrier de l'espace saisit à la gorge un second soldat. De l'autre côté du rideau de fumée, le chef des mercenaires pense apercevoir Badak. Il tire une nouvelle fois. Il réalise avec stupeur qu'il vient de tuer un de ses hommes. Ils ne sont plus que deux contre un. Oh, ce n'est pas possible. Comment quelqu'un comme lui peut avoir une telle force? Jusqu'à présent, nous avons sous-estimé les guerriers de l'espace. C'est un tort, un très grand tort. Méfions-nous. Comme des fusées, les deux guerriers filent vers Badak. Celui-ci les attend fermement. Mais une vision de son fils le déconcentre une fraction de seconde et Badak se fait bloquer par l'un des mercenaires. Badak voit maintenant son fils combattre Vegeta. Je suis sûr que tu n'as pas encore fait tant mieux. Mais pendant ce temps, il reçoit une avalanche de coups. Ça ne va pas recommencer, mais qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, il se ressaisit et se dégage de l'étreinte. Alors Badak émet un puissant rayon qui pulvérise ses deux adversaires. Mais il reste encore l'affreux conseiller de Freezer. Une énorme masse à la peau rose et au crâne surmonté de petites pointes. Non, ce n'est pas possible. Tu es là, toi aussi. Approche, si tu oses. Sans prévenir, il crache un feu épouvantable qui embrase la zone de combat et atteint immédiatement Badak. Conseiller savoure sa victoire. Trop rapide, quel dommage. J'aurais bien aimé pouvoir m'amuser un peu avec ce dragon. Dépêche-toi. Nous devons partir. Viens vite nous rejoindre. Nous partons pour la planète Vegeta. J'arrive tout de suite. À des centaines de mètres de là, Badak émerge des décombres. Alors c'était donc vrai, Freezer nous a trahis. Ignoble monstre. Oh. Sur Vegeta, le bébé Sangoku a été placé dans une petite capsule. Identité de l'occupant de l'engin, fils de Badak. Classe sociale la plus basse. Départ à destination de la planète. Dans le vaisseau impérial de Freezer. Me voilà de retour, votre majesté. Tu as commis une regrettable erreur. De quoi est-ce que tu parles? Tu as quitté la planète Myth en laissant la vie à l'un de ces guerriers de l'espace. Comment ça, ce n'est pas possible, voyons. Dans ce cas, explique-nous ceci. Sur les écrans de contrôle, la capsule de Badak fonce vers la planète Vegeta. J'étais certain de l'avoir éliminée. Je vous en prie, pardonnez-moi, majesté. Je vais aller réparer immédiatement cette erreur. Ça ne sera pas nécessaire, puisque ce guerrier de l'espace semble se diriger lui aussi vers la planète Vegeta. Et vous avez tout à fait raison, majesté. Il subira le même sort que tous les autres. L'engin de Badak frôle le vaisseau de Freezer. Ce vaisseau qui vient de passer, c'était celui de Freezer, je l'ai reconnu. Mais alors, il se dirige vers la planète Vegeta. Oh non, ce n'est pas possible. Ça fait longtemps que je n'ai pas assisté à un spectacle dans l'espace. Je sens que je vais m'amuser. J'espère qu'il y aura un beau feu d'artifice. La capsule contenant Sangoku est éjectée de Vegeta. Sa trajectoire croise celle de Badak. Une fois encore, le guerrier de l'espace a la vision de son fils adulte. Mon fils. L'atterrissage de Badak sur Vegeta est plutôt rude. Le combattant est épuisé. Il est accueilli par les techniciens de l'Astroport. Qu'est-ce que tu as? Quelque chose ne va pas? Tu arrives trop tard pour ton fils. On vient de le lancer dans l'espace. Il est parti pour une planète lointaine, la Terre. Pour la planète Terre? Oui, c'est une planète bleue située dans le système solaire. Même un guerrier de second ordre serait capable de la détruire en quelques mois, tellement elle est petite. Tu pourras toujours aller lui rendre visite là-bas aussitôt que tu seras rétabli. Bon, maintenant, si tu racontais ce qui s'est passé, je ne t'avais jamais vu revenir dans un pareil état. Si je ne me trompe pas, tu étais parti rejoindre les autres sur la planète Myth, c'est ça? C'est la Terre. Eh bien, alors, J'en suis sûr. Alors, toutes ces images n'étaient pas un rêve. Mais la réalité future, ce qui veut dire que... Badak réalise à quel point ses visions sont justes. Il comprend que cette planète qui explose sans cesse dans ses rêves est Vegeta. Mon fils, où est-ce que tu vas? Reviens! Dis donc, regarde ça! Hein? Il est grièvement blessé, il ira pas loin dans l'état où il est. Les techniciens ont aperçu le fauteuil taché de sang de la capsule. Badak titube dans les couloirs de l'Astroport et s'évanouit. Il est assailli de visions. C'est l'avenir, notre avenir. Sans comprendre, il voit le petit Sangoku avec Tortue Géniale, Sangohan, Krillin, Petit Cœur et tant de personnages qui vont entrer dans la vie de son enfant. Toutes ces images que j'ai vues n'étaient rien d'autre que la vision de tout ce qui va se passer. La dernière image est celle de Freezer. Badak se relève. Il saigne énormément. Il arrive enfin dans le mess des guerriers de l'espace. Insouciants, ceux-ci mangent et boivent. Bardock, c'est toi? Tu n'as pas l'air d'aller très fort. Écoutez-moi tous, il faut que vous veniez avec moi. Nous devons nous unir pour détruire Freezer. Mais il a complètement perdu la tête. Non, c'est la vérité. Mes compagnons, mes braves et fidèles compagnons, ils ont tous été éliminés les uns après les autres par les hommes de Freezer. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. Il voudrait réduire à néant la planète Végéta. Mais ma parole, t'es complètement fou. Avoue que c'est une plaisanterie. Mais pour quelle raison tu veux que Sa Majesté Freezer fasse une chose pareille? Tu as certainement fait un mauvais rêve. Fou! Vous n'êtes que des fous! Vous le regretterez! Oh? Oh? Vous le regretterez! Vous verrez. Seulement ce jour-là, il sera trop tard. Non, non, attends! Mais laisse-le s'en aller, tu vois bien qu'il n'a plus toute sa tête! Déçu par l'attitude des autres guerriers, Badak court au sommet d'une tour de la ville. Dans le ciel, il aperçoit l'aéronef de Freezer. Je l'en empêcherai. Je ferai tout pour l'en empêcher. Je ferai tout mon possible pour changer l'avenir. Rassemblant toute son énergie, Badak s'envole à la rencontre de Freezer. De son fauteuil, Freezer observe Vegeta. Surtout regardez-la bien. C'est la dernière fois que vous voyez cette planète. Quel dommage. Nous sommes prêts. Surgissent alors des entrailles du vaisseau des dizaines, non des milliers de mercenaires à la solde de Freezer qui plongent vers Vegeta. Badak traverse telle une tornade cette armée maléfique. Personne ne peut l'arrêter. Oui, qu'on mette tout en place pour l'opération finale. Majesté, nos hommes sont encore là-bas. Freezer n'hésitera pas à sacrifier les siens. Très bien, à vos ordres, Majesté. Badak poursuit sa percée, mais que peut-il faire contre 1000 guerriers? Montre-toi, traître! Tu vas payer pour ce que tu as fait! Badak se tient à quelques mètres du navire spatial. Freezer paraît enfin devant le père de Sangoku. Attention, voilà Freezer! Oui, c'est vrai, voilà Sa Majesté Freezer! Oui, c'est vrai, voilà Sa Majesté Freezer! Je réussirai. Je réussirai à changer notre avenir. Je changerai le destin de la planète Vegeta. Une petite lueur apparaît sur le doigt de Freezer. Je changerai le destin des guerriers de l'espace. Ainsi que le destin de mon fils. Et le destin de... mon père. Une boule de feu se forme dans la main de Badak. Freezer, j'en ai fini de toi! Badak projette de toutes ses forces la bombe vers Freezer, mais en vain. Immobile, celui-ci fait grandir la petite lueur de son doigt jusqu'à ce qu'elle devienne une monstrueuse météorite incandescente. Il la lance vers Vegeta. Dans sa trajectoire, elle absorbe Badak. Cœur des flammes, Badak est emporté vers sa planète. La météorite s'enfonce sur la planète Vegeta pour l'anéantir à jamais. Les habitants ne peuvent fuir. Freezer triomphe. C'est extraordinaire, c'est fantastique. Vous avez vu ce merveilleux spectacle? C'est le plus beau feu d'artifice que j'ai jamais vu. À des millions de kilomètres, Sangoku poursuit son chemin. Mon fils... N'oublie pas ton peuple. Promets-le-moi. Promets-moi que tu rendras justice à ton peuple, ainsi qu'à la planète Vegeta. Sur la planète qu'il vient de conquérir, le petit prince Vegeta prend son repas. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons reçu un message de Sa Majesté Freezer. Il nous informe que la planète Vegeta n'existe plus. Quoi? Continue. Elle aurait été percutée par une énorme météorite. Quant aux survivants, il n'y en aurait aucun, à part vous et moi, bien sûr. Hein? Et puis? Eh bien, je crois que c'est tout pour l'instant. Il n'y a aucun survivant ici non plus. La prochaine fois, je demanderai à Freezer de me confier une planète plus difficile à conquérir. Sur la Terre, un sympathique vieillard à l'abondante moustache blanche est intrigué par les pleurs d'un bébé. Oh, eh bien, si je m'attendais à ça, un petit bébé. Oh, je me demande ce qu'il fait là. Hein? Qu'est-ce que... Oh! Comme c'est curieux, ce bébé possède une queue, ça! Je ne peux tout de même pas le laisser tout seul ici, ce petit ne survivrait pas. Tu veux bien venir avec moi? Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il est fort, ce petit coquin. Allez, viens, à partir d'aujourd'hui, tu seras pour tout le monde le petit de Son Gohan. Son Gohan, c'est moi. Il faut aussi qu'on te trouve un nom. Réfléchissons un peu. Ah, j'ai trouvé Son Goku. Est-ce que ça te plaît, dis-moi. Alors, tu t'appelleras Son Goku. Tu vas grandir avec moi et un jour, tu deviendras très fort. Tu vas voir, on va bien s'entendre tous les deux. Et c'est ainsi que commence la longue et merveilleuse histoire d'un adorable et courageux petit garçon nommé Sangoku.